mourut prêt à signer une dernière sentence de mort pour la nouvelle infortunée qu'il avait honorée de la couronne sanglante d'Angleterre. Ainsi s'achève Anna Boleyn, femme de Henri VIII, par la duchesse d'Abrantès.